serveur tourne. Toi, tu dors. Moi, je me sers. À part feutré, je viens chercher ce que t'as volé. Je me sers. J'avance dans l'ombre, ton camp est désert. J'entends ton générateur ronronner comme un vieillard. Les coffres sont pleins, les murs bien lissés. Mais t'as pas prévu qu'un mec comme moi puisse rentrer. T'as fait des tours, des pièges, les portes renforcées. Mais t'as oublié de rester réveillé. Moi je suis là, pieds nus, sur ton sol en pierre. À fouiller ta vie pendant ton sommeil d'hiver. J'prends les clous, les armes, les petits médicis. Même ton pantalon, je l'ai embarqué pour le style. T'as mis 12 heures à refaire. J'mettrai 4 mines à les passer avec le sourire sans même transpirer. Pendant que tu ronfles, j'vide tout. J'tourne les clés, j'plie les clous. Ta bulle en palace, je fais les poches et je laisse ta base comme un sac de roche. T'as mis des pièges, je les ai vus, des tourelles trop bien pour ma vue. Mais la meilleure défense, c'est d'être là. Et toi, ben t'y es pas. Je te laisse une torche pour le sol, pour le symbole, un petit rappel que Ryder skill contrôle. J'ai croisé ton sac et j'ai vu ton lit et je t'ai murmuré merci pour loup petit. Je vois ton nom sur les caisses marqué à la craie. T'as signé ton œuvre et je l'ai tagué un petit R sur le mur en rouge sang, comme un bisou laissé par le survivant. Je prends les balles, le souffre, même ton plan de raid. Je vais l'utiliser contre tes voisins, c'est net. Rien de personnel, juste la loi du jeu. Celui qui dort, il perd son feu. Pendant que tu ronfles, je fais la fête. Je loot, je danse, je fume ta dette. Tu me connais pas, apprends mon nom. Ryder, ce qu'il passe quand tombe le son. Ta bulle, ta base pour l'éternité. Mais moi, je viens juste pour m'amuser. Tu veux jouer à Rust, sois prêt à perdre. Ou dans les yeux ouverts, sale noob de merde. Je t'ai regardé dormir comme une princesse. Une vraie belle endormie sous stress. J'ai bu ton thé, j'ai lu ton plan. Et je me suis servi comme un roi d'antan. J'ai croisé ton chien, un ours en peluche. Je l'ai mis sur ton lit, j'ai fermé les laluches. Puis je suis sorti calmement, sans un bruit. En refermant la porte comme un gentleman la nuit. Tic, tac, l'heure est déterminée. T'as perdu ton stuff, mais gagné un vrai regret. Tu m'as pas vu venir, tu m'as pas entendu. Mais demain t'en parleras sur ton Discord. Déçu. Pendant que tu ronfles, j'ai conquis. Tabasse ton coffre, ton paradis. J'suis pas méchant, j'suis juste meilleur. Rider, skill, looter, briseur de cœur. Tu peux rebuild, tu peux hurler. Mais cette nuit, c'est moi qui a brillé. Rust et la guerre, t'as choisi le repos. Et j't'ai montré ce que vaut le dodo. T'as perdu. Tu dors encore. Okay. Oh.